les sages, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Vous savez, c'est un grain de sable vraiment spécial aujourd'hui. Ça faisait longtemps, j'en rêvais. Vous m'en excuserez, les patrons de CKRL. Ça sera une émission pas de pub. Notre système d'ordinateur est planté. C'est malheureux. Vous donnerez plus d'argent au Radiothon à la fin du mois. On a besoin de votre argent pour faire de la radio libre. Vous allez entendre des choses dans cette émission Grain de Sable que vous n'entendrez pas sur d'autres émissions de radio, de télé, c'est clair. On est de la radio libre, libre de publicité aujourd'hui. Merci beaucoup. On a avec nous en studio des gens de l'Organisation du Forum social mondial. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de monde. On vous nommera au fur et à mesure. Évidemment, on a Dominique Bernier, chroniqueur, qui était au Brésil il n'y a pas si longtemps pour parler avec des gens qui ont fondé le Forum social mondial du Brésil. Et est avec nous en studio aujourd'hui. On parlera du budget aujourd'hui, le fameux budget. Comment on pourrait le budget normando, tiens, on va l'appeler le même. Bonjour, Jean. Bonjour. Et Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui est au bout du fil, au bout de la route 20. Oui, bonjour, Jean. On a des gens de Montréal en studio et au téléphone. Merci d'être avec nous, monsieur le président d'Attaque Québec. Vous connaissez ça, vous, le Forum social mondial, monsieur Vaillancourt? Oui, oui, j'ai eu la chance d'aller à quelques-uns d'entre eux. Donc, c'est vraiment une expérience toujours très, très intéressante. Donc, c'est quand même un excellent défi d'en avoir un maintenant à Montréal, parce que ça a toujours été dans les pays du Sud. Donc, on attend ça avec impatience. Oui, on avait Robert Jasmin avec nous, hein, qui est un ancien leader d'Attaque Québec, qui nous racontait la semaine dernière les premiers balbutiements des premiers forums sociaux mondiaux à Porto Alegre même. Il nous a fait un historique, mais là, on est avec du vrai monde, des jeunes pleins de dynamique qui vont nous expliquer à quoi va ressembler ce forum social mondial. D'ailleurs, il y a Tino et Étienne. J'ai même pas votre nom de famille. Vous l'avez pas mentionné tout à l'heure parce que j'arrive d'une activité où on expliquait aux gens de Québec. On veut que les gens de Québec se mobilisent parce qu'on sait que les gens de Montréal peuvent pas se passer les gens de Québec. Et d'ailleurs, ils nous ont dit qu'il y a un nouveau dépliant papier qui vient de sortir et personne d'autre que les gens de Québec l'ont vu encore. Il est tout chaud sorti de l'imprimerie de Montréal hier. C'est la première activité de promotion pour faire connaître le Forum social mondial. Je sais qu'ils seront au Cégep Sainte-Foy cet après-midi, ceux qui sont intéressés dans le cadre de la FEUC, des congrès des étudiants. Alors ici, ce matin, au Centre diocésain, on y expliquait comment ça se passe, la participation, comment choisir un atelier, comment préparer un atelier. D'ailleurs, j'ai assisté à cet atelier-là animé par Étienne et d'autres leaders de la région. On s'attend à beaucoup de participation. Il y avait une cinquantaine de personnes inscrites. On a entendu plein de bonnes idées qu'on peut pas trop dévoiler parce que faut quand même que ces gens-là préparent leurs activités, puissent s'inscrire sur le site. Et on avait annoncé la semaine dernière avec Robert Jasmin qu'on avait jusqu'au 16 mars pour s'inscrire au Forum social mondial au tarif de 20$ au lieu de 40. Mais ce matin, je ne sais pas si c'est un spécial juste pour les gens de Québec, mais on a jusqu'au 31 mars pour s'inscrire. Ça coûte 20$ pour se mettre sur une liste d'envoi et pouvoir proposer la participation de groupe ou d'atelier. Alors, Étienne, es-tu satisfait de ce que tu as entendu ce matin des gens de Québec? Ben oui, je suis très satisfait de voir qu'il y a autant de monde et autant de propositions intéressantes pour le Forum social mondial de Montréal. Ce qui prouve que ben, ça vaut la peine de venir jusqu'à Québec. Oui, bien sûr. Il faut revenir aussi. Et Tino, toi, tu t'es présenté comme étant intéressé aux dossiers environnementaux. Tu es toi-même, je pense, un étudiant en ingénierie. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as entendu ce matin par les gens de Québec? Tout à fait. Par ailleurs, je suis vraiment très, très impressionné du fait que non seulement dans un volet environnemental, mais c'est aussi dans un volet que justement on avait des gens de tous les milieux puis de tous les âges. Fait que pour moi personnellement, en étant un étudiant en ingénierie à l'ETS à Montréal, j'ai vraiment beaucoup appris de cette expérience-là, de voir des gens qui avaient une autre plateforme, comme okay, je pourrais dire en anglais, un autre background. Ben oui. Vraiment, ça fait vraiment du bien aussi okay, de sortir du cadre qu'on est, de s'impliquer pour le Forum social mondial quasiment à temps plein, malgré le fait que je suis aux études à temps plein. Fait que vraiment, c'est un défi que non seulement moi, mais aussi tous mes collègues qui sont ici aujourd'hui, qu'on le prend vraiment avec très au sérieux puis qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Je suis curieuse d'entendre parler des différentes propositions qui sont ressorties ce matin. Avez-vous des exemples à nous donner? Il y a des propositions qui sont ressorties sur la question du développement international et de ce que les groupes du Québec pouvaient avoir à dire ou à apprendre sur cette question-là. Il y a des questions aussi qui sont ressorties, des propositions plutôt artistiques et en lien avec un peu d'autres façons aussi de parler des thématiques du Forum social mondial. C'était des choses que moi j'ai entendues, puis je pense que on en a aussi tous entendu différentes. D'ailleurs, c'est sur le thème « Un autre monde est nécessaire. Ensemble, il devient possible ». C'est un thème récurrent, qu'un autre monde est possible. Je pense que c'était le thème des tout premiers forums sociaux mondiaux. Vous avez énuméré dans votre dépliant qui vient tout juste de sortir 13 thématiques, propositions. Donc, les gens qui veulent participer au forum social, une des façons de faire, c'est de proposer des ateliers en fonction des thèmes et de s'assurer qu'on puisse attirer du monde dans les ateliers parce que vous attendez, ça m'a beaucoup impressionné ces chiffres-là, vous attendez entre 60 000 et 80 000 personnes. C'est ça. Vous voulez avoir 1500 ateliers thématiques ou auto... comment vous dites ça donc? Autogéré. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier autogéré? Un atelier autogéré, c'est un atelier qui est donné, qui est préparé, qui est pensé, qui est donné par les participants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la marque de fabrique du Forum social mondial. C'est pas un événement qui est décidé par un petit groupe organisateur et qui décidera de tout ce qui est dit et de tout ce qui est discuté au forum. Au contraire, c'est un événement qui est vraiment au service et qui est une tribune pour l'ensemble et toute la diversité des groupes qui peuvent avoir des choses à dire, des propositions pour changer le monde. Donc c'est ça, les ateliers autogérés sont des ateliers qui sont organisés, préparés, proposés par des participants. Et puis vous attendez plus de 5000 organisations. Oui. C'est beaucoup de monde. Quel genre d'organisation qu'on peut retrouver? Probablement Attaque Québec, on demandera à Claude Vaillancourt un peu plus tard, si tu veux, Claude, oui, nous parler si Attaque Québec est impliquée. Mais outre Attaque Québec, quel genre d'organisme, d'organisation? 5000, c'est des gens de partout dans le monde. C'est le but, là, c'est un forum mondial. C'est pas quelque chose de local seulement. C'est ce qu'on connaît pour l'instant, des organisations qui sont déjà en train de s'impliquer sur le Forum social mondial 2016. On retrouve une vraiment très grande diversité d'organisations, des petites organisations, voire toutes petites, de citoyens, de quartiers qui s'assemblent pour faire vivre leur quartier un peu mieux, aux organisations beaucoup plus larges qui peuvent avoir une envergure nationale. Je pense aux syndicats notamment, les centrales syndicales qui sont aux côtés, ou alors les ONG qui interviennent dans différentes régions du monde. On peut avoir des groupes étudiants, on peut avoir des groupes professionnels, on peut avoir vraiment toute cette diversité de groupes. C'est ça qui justifie qu'on puisse revendiquer un chiffre de 5000 organisations participantes. C'est que finalement, c'est ouvert à toute la diversité des groupes de la société civile. Et donc, Attaque Québec. Claude Vaillancourt, là je parle au président d'Attaque Québec, qui je sais était à Paris et a rencontré des gens reliés au groupe Alternative, des gens d'Attaque France, et j'ai cru t'entendre faire quelques invitations. Est-ce que effectivement il va y avoir une présence de plusieurs groupes d'Attaque à travers le monde? Oui, tout à fait. Ben d'abord, une chose qui est importante à dire, c'est que Attaque, c'est une des quatre organisations fondatrices du Forum social mondial. Donc, bravo, ça veut dire bravo. Que depuis l'origine, on est très impliqué dans les forums sociaux. Celui-là, ben nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, Attaque Québec, on est en train de mobiliser les différents attaques dans le monde. Il y en a à peu près dans une vingtaine de pays. Donc, on a fait une réunion, par exemple, Skype, où il y avait 13 pays différents qui étaient là. C'est quand même assez intéressant. Donc, on va avoir nos camarades d'Attaque Europe qui vont être très présents, en tout cas qui répondent très bien. Il y a aussi nos camarades d'Attaque Afrique. Mais ça, il y a un problème, le problème des visas, le problème des coûts aussi, parce que ça coûte cher venir ici. Donc, ça, c'est pas notre pays n'est pas aussi ouvert qu'on voudrait le croire pour ce qui est des visas. Donc, on a comme une bataille à faire là-dessus. Mais on espère quand même réunir plusieurs pays, donc des représentants de plusieurs pays. Et je pense que cette rencontre est toujours très stimulante parce que, dans le fond, on a souvent l'impression que les problèmes qu'on vit ici sont des problèmes qui sont particuliers, mais quand on échange avec des gens d'autres pays, et même des gens du Sud, on se rend compte que finalement, ces problèmes-là ont souvent la même source. Et c'est très intéressant donc de voir, d'échanger là-dessus, de voir ce qu'on peut faire pour avancer. C'est très intéressant. Mais est-ce que déjà vous avez des thématiques que vous abordez? On sait qu'ATTAC Québec et tous les mouvements ATTAC à travers le monde sont très associés à la demande d'une taxe sur les transactions financières, beaucoup de travaux sur l'évasion fiscale, paradis fiscaux. Ça, peut-être qu'on abordera ce sujet-là avec le budget tout à l'heure, Claude. Mais oui. Est-ce que vous avez déjà des thèmes où vous devez vous consulter, vous concorder? Parce que semble-t-il que le but, c'est pas tellement d'avoir beaucoup d'ateliers à proposer, mais d'être sûr qu'il y ait du monde dans la place. Puis souvent, on encourage des regroupements de groupes qui ont les mêmes thèmes. D'ailleurs, si jamais il y a d'autres groupes qui veulent aborder les thèmes que vous suggérez, vous pourriez vous adjoindre à d'autres groupes aussi. Oui, tout à fait. Mais là, dans la démarche actuelle, c'est d'essayer de déterminer qu'est-ce que ça va être nos ateliers. Donc, c'est clair qu'il va y en avoir sur des sujets qui nous concernent, ATTAC, c'est-à-dire qu'il devrait y en avoir sur le libre-échange, sur les paradis fiscaux. On veut même organiser, être partie prenante justement avec d'autres organisations d'une grande conférence sur les paradis fiscaux. Il y a aussi la question de la dette qui nous intéresse, la question de la fabrication de la monnaie. Donc, tous ces sujets-là, on va essayer de faire des ateliers. Donc, on prévoit peut-être en faire, c'est assez difficile de déterminer, mais peut-être 6-7 ateliers. On veut aussi organiser, aide de l'organisation des grandes conférences. On est actuellement en train d'en concevoir une avec Alternative et probablement le RQIC sur le climat et le libre-échange. Ah ben oui. Voilà, là où on en est actuellement. Mais évidemment, on a encore beaucoup de chemin à faire, là. Il y a beaucoup de travail qui est devant nous, mais c'est sûr qu'on va s'activer beaucoup à proposer des ateliers les plus intéressants possibles et évidemment les plus proches de nos préoccupations. Et si on revient à Montréal, comme là, je vois une proposition de programmation qu'on a dans le dépliant distribué pour la première fois à Québec, qui n'est pas encore rendu à Montréal, donc pour les jeunes de Montréal qui sont de passage à Québec, on vous salue. Et donc, nous, on peut voir que, grosso modo, c'est toujours un peu sur le même principe, ces forums. On commence avec, évidemment, une période d'inscription, des activités créatives, une marge d'ouverture. Donc, on s'attend, et ça, même, on a même une date, là, à partir de 4 heures, le mardi 9 août, c'est ça? C'est ça. On s'attend à, justement à ces 60 000 personnes, 80 000, peut-être pourquoi pas 100 000 personnes qui feraient une marge d'ouverture dans le but de d'annoncer à tout le monde, de claironner que oui, il y a plein de monde en ville à Montréal et puis on pourra attirer l'attention des médias parce qu'un des buts, j'imagine, c'est de faire parler de toutes ces thématiques, toutes ces discussions qui vont se faire. Ben, en fait, ça fait partie un peu des traditions du Forum social mondial, effectivement, de l'ouvrir par une marche qui est aussi une marche fédérative, qui permet de rassembler tous les mouvements, tous les groupes qui participent au Forum social mondial, les groupes de tous les pays. C'est en général un beau festival de lutte et de revendication et de gens extrêmement impliqués dans leurs différents terrains. C'est un peu le moment fondamental ou fondateur de chaque Forum social mondial et qui ouvre ensuite sur la période des activités autogérées. Puis on s'attend à un grand événement d'ouverture. Est-ce que déjà on peut faire circuler des noms? Est-ce qu'il y a des chanteurs connus? Est-ce que vous allez avoir HK et les Saltimbanques? Je vous le suggère. Oui. Claude pourrait peut-être renchérir. C'est un groupe qu'on fait jouer ici. D'ailleurs, j'aurais peut-être aimé en faire jouer si on avait eu le système à propos. Mais lorsqu'il y avait le village global Alternativa, pendant la COP 21, peut-être, Étienne, je pense que tu y étais à Paris. J'étais aussi, oui. Donc, je ne sais pas si tu as assisté au spectacle HK et les Saltimbanques, mais vraiment, leurs chansons, thématiques, je vois qu'il y a peut-être des gens qui ont le goût de chanter leurs chansons. On lâche rien, c'est oui, un classique dans ce genre de choses. Alors moi, je m'imagine très bien, puisque semble-t-il qu'ils ne sont pas au Festival d'été, puis j'avais fait quelques pressions pour qu'ils puissent être au Festival d'été. Ben moi, je serais bien prêt à partager les HK et les Saltimbanques avec les Montréalais dans un grand spectacle d'ouverture. Je peux faire, en tout cas, si vous n'avez pas ces coordonnées, je peux peut-être vous les donner. Ah, il y a bonne chance qu'il ait déjà prévu de passer. Je sais qu'il était déjà au précédent Forum social mondial à Tunis. Oui, oui. D'ailleurs, je pense qu'il est plus d'origine maghrébine, même s'il vit probablement à Montreuil, dans ce coin-là. mais vraiment, ces textes correspondent très bien au mouvement, je pense, que vous représentez ici, à la jeunesse que vous représentez ici. En terminant, je voulais dire qu'effectivement, pendant 3 jours, ça sera des ateliers de 9h à 11h30 l'après-midi, mais il y a des assemblées de convergence en fin de journée, la semaine, donc les mercredis, jeudi, vendredi. Il y a évidemment des pauses repas importantes, des spectacles le soir. Et le samedi, dimanche, c'est culminant, c'est très important, je pense, même que vous jumelez avec le projet Écosphère, qui va aussi amener une sorte de foire environnementale à travers ça. Et là, il y aura un agora des initiatives. Qu'est-ce que c'est que des agora d'initiatives, toujours dans le but de donner le goût aux gens de s'impliquer, proposer des choses pour qu'on puisse se rendre à Montréal en autobus, parce qu'il y aura des autobus, des transports vraiment pas chers offerts aux gens qui veulent partir de Québec et aller à Montréal passer quelques jours au mois d'août. OK. Dans le fond, l'agora des initiatives, dans le fond, genre à quoi ça sert, c'est que c'est sûr qu'il y aura des ateliers autogérés selon les différents thèmes qui est sur le pamphlet, selon les 13 des axes thématiques. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui auront peut-être la chance de partager un peu leur conviction, leur bataille, ou que sinon leur problème. Fait que dans le fond, la journée du samedi va un peu servir à un peu comme une foire d'échange, la façon auquel je voudrais peut-être l'amener, parce que ce serait vraiment l'opportunité idéale, dans le fond, de s'associer pour justement soit pas nécessairement proposer des plans d'action, mais de proposer des solutions à certains problèmes ou à certaines batailles que certaines personnes partout à travers le monde vont vivre. Parce que c'est sûr et certain que les problèmes qu'on a à Montréal, ce ne sont pas nécessairement les mêmes problèmes qui se passent en Afrique, par exemple. Comme je pourrais dire un exemple, juste en Asie, pour un petit exemple, genre en Thaïlande, depuis 2 ans, c'est un régime militaire. Fait qu'on a peur, justement, que ce régime vire vers la dictature parce qu'il y a genre un semblant de démocratie. Fait que par exemple, ce serait un problème qu'on pourrait aborder dans l'agora des initiatives, entre autres. Très intéressant. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, je vais demander de vous présenter, ce que j'aurais peut-être dû faire au début. Celui qui vient de parler, c'est Tino. Et ton nom de famille? C'est Sananikon, en fait. Je suis d'origine thaïlandais, slash laotien. Mes parents, en fait, je pense que c'est très important de mentionner, sont des réfugiés laotiens, parce que je sais que dans des temps de difficiles, ok, je dirais que justement il y a de plus en plus de cas d'islamophobie partout, surtout à Montréal, reliés aux réfugiés syriens. C'est très important de mentionner qu'il faut pas oublier les événements qui se sont passés avant, puis la raison pourquoi au Canada on est encore une terre d'accueil pour les réfugiés. Oui. Fait que c'est très important de mentionner, dont entre autres mes parents sont venus de la fameuse vague communiste qui a eu vers le milieu des années 70, cette fameuse vague qui a eu beaucoup de Vietnamiens puis les boat people. Exactement. Oui. D'ailleurs, à Québec, si vous avez la chance de passer là sur la rue Saint-Vallier, c'est là que la communauté des Boat People sont établis. Ils nous ont amené les meilleurs restaurants vietnamiens à porter votre vin. Ça, vraiment, c'est tellement enrichissant pour nous, là, Québécois de souche, d'avoir des gens de partout. Étienne, avec ton accent français, ton nom de famille, qu'est-ce que tu fais, toi, au juste? Tu t'occupes de la mobilisation, ce qu'on appelle le collectif du Forum social mondial à Montréal. Je suis loin d'être le seul à m'occuper de la mobilisation. C'est un élément qu'on n'a pas forcément dit aujourd'hui, mais on fait beaucoup de personnes qui s'impliquent bénévolement, qui donnent leur temps. Moi, je suis sur la mobilisation et mon nom de famille, c'est Marie Jols. Alors, c'est un petit peu un piège parce que ça doit être un nom français, il n'est pas facile à prononcer. Ah, ben ça, avec l'accent aussi, des fois, ça complique les choses. Merci aussi, il y avait dans le groupe, quand même, il y avait Sarah avec nous et Lika. Merci d'être venu. Alors, c'est simple. Je pense que vous savez, comme toujours, maintenant, avec l'Internet, si on va sur fsm2016.org, on peut répondre à toutes les questions qui vous restent. Et vous allez voir les thématiques, la possibilité de s'inscrire avant le 31 mars. Donc, vous avez à peine une grosse semaine pour pouvoir vous inscrire à moitié prix, 20 $. Et ça, ça vous donne le droit par la suite d'inscrire, proposer des ateliers. Exactement. Et là, d'échanger. Moi, je reçois beaucoup de courriels de ce temps-ci là, qui me dit qu'il y a quelqu'un qui veut échanger avec moi parce que je suis déjà inscrit. Et je trouve ça intéressant. Je vais, à un moment donné, probablement proposer un atelier et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui proposent le même atelier. Moi, c'est surtout dans le domaine de la simplicité volontaire ou la décroissance qui m'intéresse. Donc, s'il y a des gens de partout dans le monde, finalement, ils veulent venir jaser de ça à Montréal après avoir assisté à un bon show d'Ashka et les Saltimbanques. Non, au bout d'avoir marché, on peut toujours, s'ils ne peuvent pas venir, on peut toujours mettre de leur musique. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Restez Merci. Avec nous puisque nous allons parler, ben oui, on va parler du budget. Le budget Leitao ou le budget Normando, c'est selon. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Un arbre, un mot, un geste, l'ivresse d'un sourire. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Le silence résigné ou le cri révolté. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Plus fine des regrets, un quartier délaissé, des ombres dans la nuit. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Cathédrale d'oubli, l'insolence des promesses. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des kilos d'appels, catacombes, des mois, des petits riens. Qu'est-ce qu'on leur laisse? L'odeur des fruits sauvages, des papiers sur la table, photos d'une vie sur l'étagère. Jusqu'au délire, besoin d'amour, besoin de poésie au fond des jours, au fond du cœur. Chanter, chanter, chanter jusqu'au délire, besoin d'amour, besoin de poésie au fond du cœur, au fond des jours. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Les nuages qui passent, la musique ou le bruit. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des arbres en prière, des oiseaux incurables. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des mots murmurés, le courage d'avancer, le courage de rêver. Ben oui, qu'est-ce qu'on leur laisse? Je trouvais que c'était à propos. Je cherchais parmi ma discographie quel disque que je pourrais mettre pour voir tous ces jeunes qui veulent réunir la planète à Montréal. Alors moi, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on leur laisse? Et puis, si on fait référence au budget de cette semaine, qui était, je pense qu'il faut vraiment être sur une autre planète pour pas s'être aperçu que ce qui devait être la journée où on annonce des bonnes nouvelles de notre bon gouvernement, puis là, enfin, l'austérité est terminée, on va annoncer plein d'argent, mais avant même que le huis clos commence, parce que souvent on réunit des fonctionnaires, des journalistes à partir de 9h le matin jusqu'à 16h l'après-midi. Puis pendant toute cette journée-là, les journalistes essaient de concocter comment ils vont analyser le budget. Tout ça se termine par la lecture du budget lui-même à l'Assemblée nationale, mais souvent on est au centre des congrès puis on essaie d'analyser des briques. On me disait qu'il y avait à peu près 13 centimètres d'épais. Alors, c'est dur de tout analyser ça. Moi, je suis content qu'on ait Claude Vaillancourt qui va nous faire un rappel du gouvernement Couillard, vers où on s'en va, et Dominique qui a fait quelques bonnes recherches, Dominique Bernier, pour nous dire qu'il y a eu quelques mesures qui peuvent être positives, négatives. En tout cas, on va aller plus dans le détail par la suite. Mais Claude Vaillancourt, est-ce que ce budget-là va être un budget historique, si ce n'est qu'on va retenir qu'il devrait s'appeler le budget Normando, parce que l'ex-ministre, l'ex-vice-première ministre, Nathalie Normando, s'est retrouvée au poste de police le même jour, et c'est un peu ça qui a fait que plusieurs journalistes sont sortis du huis clos que je parlais tout à l'heure, sans jamais couvrir le budget, pour s'occuper des affaires financières. On est quasiment rendu dans un état policier de choisir une date comme ça pour attaquer une ancienne vice-première ministre. Oui, c'est sûr qu'on a rarement vu un budget se faire voler la vedette à ce point-là. Là. Oui, la vedette, c'est le cas de dire. Les raisons étaient bonnes et la coïncidence est assez étonnante. Mais enfin, je pense qu'il faut quand même se pencher sur ce budget-là parce que c'est quand même un beau budget de l'illusion. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. Remarquez que ça arrive très souvent que les budgets, justement, essaient de créer une espèce d'illusion. Mais ce budget-là il est assez fort dans ce sens parce que ce que le gouvernement libéral voudrait nous transmettre, comme vous voulez nous transmettre comme message, c'est que finalement, c'est fini avec l'austérité. Bon, on s'est serré la ceinture pendant 2 ans et là, on relance des mesures qui seraient plus généreuse qu'il serait auparavant. Mais si on regarde la réalité des choses, c'est que c'est pas du tout le cas. En ce sens qu'on a eu des mesures d'austérité tellement radicales que les montants qui sont investis finalement dans le budget, ça compensera pas aux ravages qui ont été faits. On va continuer à subir malgré tout. Alors, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, les investissements sont vraiment, mais vraiment pas suffisants. Sans compter que lorsqu'on a détruit un secteur comme ces deux secteurs-là, qui sont des secteurs absolument vitaux, la reconstruction, mais ça demande vraiment des sommes beaucoup plus considérables que celles que le gouvernement a mis. Donc, si on essaie de nous faire croire que ça va aller mieux dans l'avenir, là, je pense que c'est complètement raté. Pendant l'austérité, d'ailleurs, est-ce qu'on est encore en période d'austérité? J'ai pas trop vu d'augmentation de programmes généralisés. En tout cas, on essaie de faire oublier les 2-3 ans quasiment de coupure. On regardait surtout la colonne des dépenses gouvernementales. On n'a pas tellement regardé, sous ce gouvernement Couillard, la colonne des revenus. Non. On sait qu'avec Attaque Québec, Attaque mondiale, on veut dire, si on avait des taxes sur les transactions financières, on pourrait certainement avoir de meilleurs revenus puis avoir eu à moins couper, si je peux m'exprimer ici. Oui, c'est sûr que le gouvernement, pour ce qui est d'aller chercher des revenus, là, c'est complètement raté encore. La coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics a beaucoup insisté pour rétablir la taxe sur le capital sur les banques. Alors ça, avec ça, on pourrait aller chercher, bon, les montants peuvent assez varier, mais disons que ça va de 600 millions de dollars par année à 1 milliard. C'est quand même des sommes assez importantes. Et ça, on a beaucoup insisté. C'est une taxe qui existait auparavant, qu'on a enlevé comme ça, tout simplement pour faire plaisir aux banques qui enregistrent quand même des profits colossaux. Donc ça s'est pas retrouvé. La coalition aussi parle de lutte contre les paradis fiscaux. Ben, on se rend compte que les mesures qui sont dans le budget sont tout à fait molles et insignifiantes là-dessus. On parlait aussi de rétablir une plus grande progressivité des impôts. C'est pas là non plus. Par contre, je pense qu'il y a une victoire qui est quand même assez importante, là. Allons-y. C'est celle de, par exemple, ben, c'est la commission Godbout qui est vraiment reléguée aux oubliettes, en tout cas pour le moment. On espère que ça va rester là. Du professeur Luc Godbout, là, de fiscalité. C'est ça. Et lui, ce qu'il proposait, c'est comme moins de fiscalité progressive, donc moins d'impôts progressifs et plus de taxes à la consommation, ce qui est vraiment régressif. Et je peux vous dire que c'est les plus faibles revenus qui sont pénalisés par ça. Il y a quand même eu une campagne assez importante de la coalition, d'autres groupes à taxes étaient impliqués là-dedans aussi pour pas que ce transfert se fasse. parce que ça peut être très dramatique chez certaines personnes. Et finalement, ce que les médias ont commenté, c'est que il y a rien qui bouge à ce niveau-là. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est à peu près la seule bonne nouvelle que je vois dans ce budget. Ben, il y a Dominique qui me faisait remarquer. Oui, ben, il y a une très, très bonne nouvelle, Claude, que tu n'as pas mentionné. C'est qu'on est en surplus budgétaire maintenant, n'est-ce pas? Ben, voyons donc. C'est vrai. J'avais pas remarqué. On est en surplus budgétaire de plus de 2 milliards de dollars, mais par contre, le gouvernement a décidé de placer ces 2 milliards de dollars-là dans le Fonds des générations. Oui. Oh. Donc, ce qui fait qu'on est à l'équilibre budgétaire, selon le gouvernement, on ne serait pas en surplus. Selon les analyses de l'IRIS, avec lesquelles je suis assez d'accord, en fait, c'est un choix politique que de placer cet argent-là dans le Fonds des générations. On espère que ça rapporte, mais bon, on sait très bien que ça risque de pas rapporter autant que prévu. Ça rapportera sûrement pas autant que les différentes pertes de revenus que le gouvernement se génère en n'investissant pas dans les services publics, en n'investissant pas pour dynamiser, en fait, différents secteurs de la société civile, comme par exemple les organismes communautaires qui en ont désespérément besoin. Mais en fait, c'est vrai, il y a vraiment un choix de soustraire ce surplus-là au débat public. Oui, tout à fait. De le cacher. Puis le fonds vert, lui. Oui, ça, Dominique, j'aimerais juste continuer là-dessus parce que c'est très important. Donc, effectivement, on est en situation de surplus budgétaire, c'est pas étonnant avec toutes les coupes qu'on a faites, les coupes dramatiques. Et effectivement, ces surplus budgétaires vont dans ce fonds de génération qui, c'est important de le dire, est tout à fait inutile. Pourquoi? Parce que actuellement, dans la situation présente, la dette diminue d'année en année. Donc, ça va assez bien. Alors, dans le fond, mettre de l'argent dans un fonds de génération, eh bien, c'est mettre de l'argent pour un remboursement futur éventuel de la dette dont on n'a pas besoin, hein, plutôt que de l'investir dans des services qui en ont absolument besoin. Alors, quand Dominique dit que c'est un choix idéologique, c'est 100%. Ça, c'est vraiment la volonté absolue de ne pas investir dans les services publics, dans les programmes sociaux, et on va inventer une espèce de patente, excusez l'expression, là, de patente pour pouvoir nous permettre d'éviter de faire ces investissements qui sont absolument nécessaires. Donc, pour moi, c'est une décision que je trouve extrêmement grave et je pense qu'il faut la dénoncer, bien sûr. Si on se souciait vraiment des générations à venir, est-ce qu'on n'investirait pas plutôt dans l'éducation puis dans les services de garde? Le gouvernement choisit actuellement de carrément saboter le réseau des centres de la petite enfance qui a fait ses preuves, qui montre que chaque dollar investi rapporte presque le double dans le fond à l'économie, parce que ça permet aux femmes d'aller sur le marché du travail en grande partie. Donc, c'est vraiment à quelle génération on s'adresse quand on dépose 2 milliards dans un fonds comme ça, qu'on empêche la société d'y avoir accès pour soutenir les programmes sociaux? Je pense que tu as bien dit à quel point le terme fonds de génération, c'est un terme qui est purement hypocrite. Là, mm-hmm. Voilà. Tout à fait. Il y a énormément d'argent aussi qui dort pas vraiment, mais qui est placé dans le fonds vert. C'est presque 1 milliard de dollars chaque année qui se ramasse dans le fonds vert. Oui, quand vous mettez de l'essence, il y a une partie de la taxe d'essence qui s'en va dans le fonds vert. C'est ça, la taxe sur l'essence, maintenant les crédits carbone. C'est quasiment 830 millions par année, là, selon certaines évaluations. Donc, mais là, on en a pris une partie là, pour ce budget-là. Est-ce que c'est suffisant? Ben, écoutez, le problème avec le fonds vert, puis là, le gouvernement se fait son mea culpa et dit qu'il va améliorer les choses, là, mais c'est qu'en fait, c'est attribué pratiquement à la discrétion du ministre. Là. Le ministre fait pas mal ce qu'il veut avec l'argent qui est dans ce fonds-là, qui est quand même un montant substantiel. Et on sait que ça ne sert pas comme ça devrait servir. Ce montant-là devrait servir à faciliter la transition vers une économie plus vers une décarbonisation, si on veut, de l'économie. Vers les énergies renouvelables. Vers les énergies renouvelables. Ou l'éloignement des énergies non renouvelables. Vers l'éloignement des énergies fossiles. Mais ce à quoi ça sert actuellement, ce fonds vert, c'est à aider certaines compagnies à se conformer à la loi. Là. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pour les industriels. Oui, puis même, j'ai eu dans le cadre d'un 5 à 7, un cocktail de financement d'équitaire, je me suis retrouvé avec Stéphane Guilbeault. Puis à côté de nous, deux personnalités d'affaires de Québec. Je me demande, je ne devrais pas les nommer. On est une radio libre, un des descendants de la famille Price, là, Evan Price. Hein, il amène large. La famille Price, depuis longtemps, depuis que le régime britannique est arrivé, le plus bel édifice de Québec, hein, c'est sa famille qui a construit ça. Et un monsieur Germain, qui lui a les hôtels Germain, ou Alt, ça s'appelle maintenant, il demandait à Stéphane Guilbeault, est-ce que tu connais les critères pour demander de l'argent au fonds vert, parce que c'est des hôteliers. Il dit, moi, dans mon hôtel, je pourrais faire ci, toi, cela. Des gens qui n'ont pas besoin d'argent sont plus riches que les banquiers de Québec, là. Mais eux, ils cherchaient, puis ils demandaient à Stéphane Guilbeault des critères pour demander de l'argent. J'en revenais pas, j'ai retourné de bord, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis la réponse, c'est qu'elle n'avait pas de critères. Ah non, le critère, c'est d'être en bon terme avec le ministre. Ben, c'est oui, ça. Oui. C'est intéressant de voir que... Ça, c'est souligné par Philippe Urteau dans son blog, là, que le seul argent qui est vraiment mis sur la table par le gouvernement, ben, c'est vraiment aux entreprises privées. Il mentionne la Société du Plan Nord, il mentionne des rabais tarifaires d'électricité pour les entreprises manufacturières, de l'argent donné au secteur forestier. Donc, on donne de l'argent, carrément des beaux cadeaux là aux entreprises privées, mais pour ce qui est des secteurs fondamentaux, où les gens travaillent, pour ce qui est aussi de l'aide aux plus démunis, ben là, hein, c'est vraiment rachitique. Effectivement, donc, mon autre point, dans le fond, c'était justement le fonds du Plan Nord qui a été doté d'un 465 millions supplémentaires. Mm-hmm. Ça, c'est en fait la poursuite de la stratégie qui avait déjà été annoncée là, de développement du Plan Nord de 10 milliards sur 5 ans. Donc là, on parle de 465 millions plus un 20 millions en petite mesure supplémentaire, là. Mais ce qu'il faut savoir avec ce financement-là, c'est que d'une part, ça vient nourrir une économie du 19e siècle, là. C'est une façon de stimuler une économie qui a plus sa place en 2016, ou en tout cas qui devrait être vraiment, vraiment remodelée. Dans le fond, qui devrait être encadré bien, bien davantage. Et c'est le gouvernement vient servir de capital de risque à des projets miniers qui sont boudés par le secteur privé actuellement. Et du même souffle, le budget du ministère de l'Environnement, du MDDELCC, qui est chargé d'encadrer, en fait, tout cet aspect de toute la réglementation environnementale qui entoure les mines, notamment, pas seulement, mais en particulier les mines. Son budget a encore été diminué de 1 million, mais en dollars constants, ça équivaut à une baisse de 2 % par rapport, presque 3 % en fait, par rapport à l'année passée. Et depuis sa création, ce ministère-là a perdu 30 % de son budget. Donc, il se réduit comme une peau de chagrin. C'est comme si notre chien de garde, parce que c'est notre chien de garde, là, c'est lui qui contrôle, qui s'assure que la réglementation environnementale est respectée par les différents secteurs industriels. Notre chien de garde est édenté, il est en laisse, puis il y a un collier anti-jappe. Donc, c'est pas ce qui est plus efficace pour faire respecter la loi. Mais dans le domaine de l'environnement, Dominique Bernier, il y a quand même une mesure qui a été annoncée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La mesure où on prend de l'argent du fonds vert et on peut rénover ses fenêtres, son toit, ses portes. On n'a pas réinventé la roue là. C'est sûr que le bouton a 3 ou 4 roues. Comment est-ce qu'il disait ça? Mm-hmm. Ça m'a dit, on peut rien inventer. C'est vrai que c'est efficace. L'efficacité énergétique, le négawatt, mm-hmm. est une belle mesure à encourager. On met à peu près 170 millions, je pense, là-dedans. Est-ce que c'est suffisant? On est limité à 10 000 $ de rénovation pour pouvoir en récupérer 2 000. Maximum, il faut faire affaire avec un entrepreneur. Ben, donc, c'est peut-être une mesure écolo intéressante, mais c'est des picadilles par rapport à ce qu'aurait pu faire avec le 2 milliards de surplus. C'est certain que c'est vraiment insuffisant pour assurer une vraie transition vers davantage d'efficacité énergétique. Et oui, l'efficacité énergétique, c'est vraiment... quelque chose d'appréciable pour notamment lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour réduire notre empreinte environnementale plus largement. Mais la rénovation, des crédits d'impôt à la rénovation domiciliaire, c'est loin d'être suffisant, là, selon moi. Puis effectivement, il y a des règles qui font en sorte que c'est pas tout le monde qui peut s'en prévaloir. Quelqu'un qui a moins les moyens, qui décide de réparer, de rénover sa maison soi-même, n'y aura pas accès. Il faut absolument faire appel. Ça va être plus facile de mettre des toiles de plastique collées du scotch tape, là, pour économiser l'électricité que d'investir 10 000 $ en portes et fenêtres. Il y a peut-être un aspect, dans le fond, qui est quand même intéressant, là, que j'ai vu dans le budget. C'est un montant de 620 millions qui va être dévolu pour accélérer la restauration des sites miniers abandonnés, plus un autre 100 millions pour la décontamination des terrains privés et municipaux qui sont contaminés. Puis il y a de la décontamination pour les minières aussi. Oui, c'est ça. 620 millions pour la décontamination des sites miniers abandonnés. Sauf que c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle parce que on en a déjà parlé là, de ces sites qui étaient délaissés par des multinationales qui changeaient de nom en cours de route. Effectivement, c'est une bonne nouvelle dans ce sens où c'est des bombes à retardement. Il faut absolument s'en occuper rapidement parce que c'est des. On sait que les résidus miniers, c'est semi-liquide là très souvent et si c'est pas surveillé adéquatement, il peut y avoir des déversements n'importe quand et ce sont des boues qui sont très très toxiques dans. Oui, on parle de cyanure des fois qui se retrouve là-dedans dans les. Les métaux lourds. Les métaux lourds qui se retrouvent dans comment je cherche le mot, l'eau souterraine, les nappes phréatiques. Tout à fait. Parfois, il y a même un certain taux de radioactivité qui est associé à ça. Donc, on sait que c'est très toxique. Par contre, pourquoi est-ce que ça devrait reposer sur les épaules des contribuables? On peut se le demander. Ouais. La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine demande depuis des années qu'il y ait une redevance spéciale qui soit imposé à l'industrie minière de 1%, qui n'est pas énorme, pour créer un fonds qui permette de restaurer les sites miniers abandonnés pour que l'industrie contribue au moins à 50%. Avant qu'ils quittent, là, hein, c'est ça? Parce que dans le fond... Ben que toutes les industries qui sont actives contribuent à ce fonds-là par le biais d'une redevance spéciale, ce qui permet de prévenir justement de faire en sorte que ça repose pas uniquement sur les épaules des contribuables, la restauration de ces sites. Voilà. Ben merci, c'était très bien documenté, Dominique, mais j'allais dire, excuse-moi, je ne prends le pas personnel. Ouf, t'es écœuré de parler de budget, là. Moi, j'aimerais ça parler d'autres choses avec Étienne. On va revenir, on fait juste une petite pause, puis on revient parler de l'Amérique latine. Je pense qu'on avait des choses à compléter des autres semaines. Oui, on va parler du Brésil aujourd'hui. Bernie est un millionnaire qui n'a pas un sou. Il se fout de tout, il se fout de tout. Il se fout des millionnaires qui en ont beaucoup. Plus rien n'a d'importance, Bernie est en vacances. Bernie est le roi du monde qu'il s'est inventé. Un monde comme les BD, un monde improvisé. On dit qu'il s'est réfugié dans son imaginaire. Loin de la réalité, près d'un quartier lunaire. Les jours sont courts pour Bernie, à tous les jours. Plus de problèmes pour Bernie, dans son orbite, comme il est bien. Soudainement lâché prise à la grande surprise de tous ses amis qui ne sont plus ses amis. Bernie est le roi du monde où tous ses sujets sont des polichinelles et tournent carrousel. Bernie est un bon chrétien, il aime son prochain. Quand il fait sa prière, il bénit les fougères. Bernie est un militaire qui n'aime pas la guerre. Quand il joue au fusil, c'est un coup de pissenlit. Les jours sont courts pour Bernie, à tous les jours. Plus de problèmes pour Bernie, dans son orbite, comme il est bien, loin de tout. Oh, Bernie, loin de tout, loin de rien. Bon, on a Claude Vaillancourt. Je pense que tu voulais faire une petite conclusion sur ce budget pour qu'on puisse passer à notre sujet sur le Brésil. J'en ai perdu des bouts parce que ça a coupé, mais tout ça pour dire que on a dit que c'est un budget d'une certaine rupture là, du gouvernement Couillard, mais je pense que c'est un budget de parfaite continuité parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour compenser aux mesures d'austérité. Et ce qui me fait peur, moi, c'est que ce budget aussi prépare des baisses d'impôts avant les prochaines élections. Ah, ben oui. Donc, et avec des nouvelles baisses d'impôts, ben, on va être obligé de se lancer dans une nouvelle ronde de compression. Et avec ça, ben, il ne reste pas plus grand-chose du modèle québécois, finalement, qui est un modèle plus solidaire, plus égalitaire que ce qu'on trouve ailleurs en Amérique du Nord. Donc, j'espère que la population va vraiment réagir à ça et ne sera pas dupe d'un budget comme celui qui vient d'être adopté. Ben merci Claude Vaillancourt et Étienne. Maintenant au Brésil, est-ce qu'on peut faire un lien là avec ce qui se passe là? Ça va pas bien pour Monsieur Lula. En fait, peut-être que ça va mieux parce qu'il s'est fait nommer ministre pour être immunisé contre les problèmes qu'il avait. Est-ce que Monsieur Couillard pourrait peut-être nommer Madame Normando ministre d'État pour Apparemment, c'est une bonne tactique si on se fie aux politiciens brésiliens. Oui, mais ça, le parallèle avec le Québec est assez étonnant. Parce que c'est ça, on parlait, c'est ça, tu disais que tu étais quasiment tanné du sujet du budget, ah ouais, mais ça revient. Mais le Brésil est tellement semblable, il y a des allégations de corruption dans la construction envers le président finalement, le président précédent, là, Lula qui s'appelle. Il y a des accusations de maquillage des comptes publics par sa successeur, Mme Dilma Rousseff. Et c'est ça, on a un budget où est-ce qu'on sait pas si ça va être dans la continuité d'une politique de gauche? Est-ce qu'à travers la tourmente économique, parce que là, le Brésil connaît l'inflation, est en récession en même temps, les banques internationales l'ont remarqué, et ils disent dans leur communiqué que le Brésil a vraiment des grandes difficultés économiques. Alors, finalement, ce gouvernement-là, on dirait que ses jours sont comptés, là, en un sens, parce que du côté de la présidente Dilma Rousseff, elle a été réélue il y a un peu plus d'une année à peine, mais il y a déjà des députés brésiliens qui font une procédure de destitution pour l'écarter du pouvoir. Ah oui. À cause de toute cette ambiance-là de corruption qui met en grogne la population. On parle de millions de personnes. Ben, oui, on voit ça aux nouvelles. Il y a des millions de personnes qui se promènent, qui se réunissent à Brasilia, qui est une ville perdue dans le milieu du Brésil, qui était inventée artificiellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de population. C'est un peu comme Québec, une petite ville. Mais là, il y a des gens qui viennent de partout pour manifester devant leur parlement dans la capitale. Ça brasse. Puis là, il y a des Olympiques qui s'en viennent. Ça peut-tu nous inquiéter, ça? Ben, les Olympiques, ne serait-ce qu'avec les épidémies du virus Zika, on parlait beaucoup. Juste à cause de ce dossier-là, je pressentais le fiasco des Jeux Olympiques. Pour mais là, si on parle. On a investi des milliards pour ça, pour nous attirer, puis là, on ne veut pas y aller. Mais justement, c'est aussi une raison pourquoi la population est en grogne. Hein. Il y a une partie de la population qui voulait pas ces jeux-là, qui se demandait pourquoi les tarifs, par exemple, des autobus montent en flèche. Oui, je me souviens de ces manifestations-là aussi. C'est ça, pourquoi ça monte en flèche pour payer ces jeux-là. T'sais, d'abord, nourrissez, vétissez la population. Faut se recentrer sur les priorités. En gros, c'était ça le message de la population. Et ça, c'était il y a quelques années. Mais là, la situation est pire parce que lorsque les juges qui sont vraiment les chouchous de ces manifestants-là, les juges qui osent s'attaquer aux figures du pouvoir pour ces allégations-là de corruption. Alors, c'est sûr, c'est difficile de tirer ça au clair, savoir si le président précédent, Lula, a vraiment été corrompu par des grands industriels, finalement des grands constructeurs là, brésiliens. C'est difficile à dire, mais la situation sent mauvais. Je pense que la population perçoit le gouvernement comme coupable, parce que sa successeur, non seulement le consultait souvent, se montrait à ses côtés pour le soutenir. C'est son ancienne ministre responsable du pétrole. C'est ça. Et elle, du moment que lui est poursuivi en justice, elle se dit qu'elle va l'ajouter à son gouvernement comme son chef de cabinet, ce qui lui donnerait une immunité contre les poursuites. Alors, finalement, ça ressemble à une admission de la faute. Hein? Ça n'améliorera pas la réputation du parti, parce que faut quand même revenir à ces valeurs de gauche oui. que Lula et son parti de gauche en faisaient la promotion. Et c'est même dans sa région où il y a eu des premières villes qu'on pourrait dire communistes. Et donc, Porto Alegre, peut-être Dominique, tu peux intervenir. Mais Porto Alegre, lorsqu'on a fondé le premier Forum social mondial en 2001, était une ville, sinon communiste, mais très avec des valeurs de budget participatif et des valeurs. Robert Jasmin nous en parlait un petit peu. Hein, c'était un exemple. Et donc, depuis 2001, Lula régnait roi et maître. Et personne ne soupçonnait qu'il y avait autant de corruption derrière ces valeurs de gauche. Là. Non, c'est clairement. Et puis, les Brésiliens, la gauche brésilienne est très, très attachée à Lula. Là, malgré tout. Porto Alegre, c'était un haut lieu de lutte sociale. C'est vraiment emblématique là, au Brésil et ils sont très fiers de cette mouvance-là qui a démarré dans leur magnifique pays. Donc, t'étais au Brésil il n'y a pas si longtemps. On t'a parlé au téléphone comme chroniqueuse. Tu participais à quelques activités justement en lien avec le Forum social mondial. Mm-hmm. As-tu senti ce que Étienne nous raconte? On sent qu'il y a énormément de tensions politiques au Brésil. Ça se sent. Étonnamment, à la différence peut-être du Québec, on dirait que la population, d'une manière globale, paraît assez politisée. Plus politisée qu'ici, peut-être, plus engagée politiquement. Je parle pas seulement des gens du Forum social, ce qui est assez normal, mais il y a vraiment une conscience politique assez développée au Brésil et les gens ont pas peur ont pas peur des mots quand vient le temps de leur vote. Non. Tu sais que le Parti vert là-bas a fait 20 millions de votes avec une ancienne amie de Chico Mendes, donc des gens qui avaient fait des luttes dans la jungle pour protéger la jungle contre les industriels du domaine du caoutchouc, là, à l'époque, des années 70, elle a réussi à avoir 20 millions de votes. Donc, les Brésiliens sont capables de changer et d'être originaux dans leur façon de voter. Mais là, je pense que ça peut-tu amener une montée de la droite, finalement, Étienne? Oui, dans un sens, parce que le gouvernement lui-même est menacé, parce que ils n'ont pas une majorité claire au Parlement. Ils ont donc dû faire une coalition avec un autre parti, un parti centriste, s'appelle PMDB, et qui s'était donné 30 jours cette semaine pour décider s'il allait claquer la porte du gouvernement, s'il allait se désolidariser de cette gauche brésilienne au pouvoir. Et c'est ça. Si Dilma Rousseff était déchue, c'est ça. Cet autre parti-là centriste, dont le chef est vice-président, qui accédera au pouvoir. Donc, c'est une situation où la gauche, finalement, est attaquée de toutes parts. Il y a une grogne populaire dans la rue. Il y a des juges et des avocats qui essaie de destituer leur plus grand représentant. Et c'est d'autant plus étonnant que cette présidente-là de gauche, Dilma Rousseff, a été réélue il y a vraiment peu de temps. Là. C'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est un signe de la division de la population qui souvent se divise de manière très marquée contre des personnalités. C'est ça, quelqu'un comme Lula ne laisse personne indifférent. J'ai l'impression que soit on l'adule, soit on le déteste, finalement. Il n'y a comme pas vraiment de juste milieu, et ça se comprend, parce qu'il a fait beaucoup de politique pour lutter contre la pauvreté. La misère était extrême dans son pays quand lui a accédé au pouvoir. Et Dilma Rousseff, elle, n'a été, je dirais, que dans la continuité. À la limite, elle était portée au pouvoir par l'aura qui restait du travail de Lula. Fait que lui, je peux parler très rapidement des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent. Faut pas croire que c'est un rejet global ou que tous les Brésiliens veulent le voir partir. Parce que lui, il a trouvé un nouveau modèle progressiste qui est très simple. Je résume en une phrase, c'est de donner de l'argent aux pauvres. Parce que lui, il l'a dit, les universitaires, les supposés experts, leur hantise, c'est de faire ce qui est le plus simple et de donner de l'argent aux pauvres. Donc, c'est la simplicité même. Lui, il croit que c'est parce que les universitaires faisaient des plans inutilement complexes, parce qu'à l'université, on n'apprend rien sur les pauvres. On ne peut pas vraiment les considérer comme des personnes humaines, adultes, raisonnées, capables de gérer efficacement de l'argent que l'État leur confierait. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il donnait de l'argent aux mères dont les enfants se présentent à l'école, dont la famille se faisait vacciner et qui allait voir des médecins assez fréquemment. Alors que d'autres prédécesseurs à la tête du Brésil, comme Cardoso, quelques années avant, eux faisaient plus des distributions de nourriture, mais ça devenait un fiasco à cause que le gouvernement a souvent du mal à gérer des transferts de biens, là. Alors, il y a comme une simplicité beaucoup plus efficace à se prévoir un budget pour les pauvres et leur donner directement. Je pense que c'est la plus grande réussite. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de Lula. Et il est parti en 2011 et là, on est 5 ans plus tard et c'est comme si son aura ne pâlissait que cette année. T'sais. Donc, on a vu l'effet assez important pour la population. Mais je crois que c'est une division de classe, finalement. La classe pauvre a reçu des bénéfices de ces politiques-là et finalement reste fidèle. Je pense que c'est comme ça qu'on peut décrire la situation. C'est très, très intéressant. Et autre chose qu'il faut se rappeler du Brésil? Le Brésil a une difficulté, en grande difficulté économiquement à cause de l'inflation et des pertes de revenus. Et ça, c'est le problème du pays. C'est ça, c'est qu'une ambition de Lula, c'était que le Brésil nourrisse la planète, finalement, produise en masse du soja ou d'autres nourritures et l'exporte au reste du monde, pour le reste du monde. Et finalement, c'est un grave problème, ce modèle-là, parce que lorsque tu te concentres sur l'exportation de matières premières et que le prix des matières premières, des années plus tard, baisse soudainement, tu te retrouves face à rien, hein, tu te retrouves avec aucun revenu. C'est exactement ça que connaît le Brésil actuellement. Ils ont peut-être mis tous leurs œufs dans le même panier et payent le prix, finalement. Puis ça, il y a un prix environnemental à ça. Il faut savoir que la production de soja transgénique, de manière industrielle, comme ça se fait au Brésil, ça se fait au détriment de la qualité de l'eau, ça se fait au détriment de la préservation de la couche arable des sols agricoles. Puis il y a des pesticides très toxiques qui sont associés à ça et qui causent des impacts de santé importants là, pour la population. Puis, en fait, cette agriculture intensive-là se fait aussi au détriment de la forêt amazonienne. Donc, il y a énormément de problèmes. Ça entraîne énormément de problèmes. En plus des différents problèmes économiques, là, c'est une catastrophe écologique qui se prépare lentement mais sûrement au Brésil. Et moi, j'ai été surprise de constater que dans le domaine minier, c'est exactement la même chose qu'ici, un phénomène de porte tournante et une exploitation agressive soutenue par l'État. Oui. Et c'est ça. La situation, c'est vraiment une situation qui change de jour en jour. Hein. On a des accusations contre Lula, mais il essaie de se protéger en se faisant nommer au gouvernement par sa successeur. Et ensuite, les juges continuent, vont en appel et essaient de l'empêcher de devenir ministre. Donc, c'est presque une partie de ping-pong finalement. On ne sait pas. Qui va remporter la mise? Ça ralentira pas l'élan des gens de vouloir sortir dans la rue, là, parce que à nous la rue, de ce temps-ci, les Brésiliens sortent et veulent vraiment laisser un message. Mais il y a eu des élections il y a pas si longtemps, comme tu disais. C'est ça. Donc les prochaines élections, quand est-ce que les citoyens peuvent pouvoir se débarrasser de ce gouvernement corrompu? C'est que Mme Rousseff, la successeure de Lula, a été élue en 2014 pour 4 ans. Alors elle était, selon le plan prévu, il devrait rester jusqu'en 2018, encore très longtemps, mais la situation est explosive actuellement. Mais si j'avais mon ami Luc qui s'alentoure, puis je pense qu'il va se reconnaître, il est peut-être en train de nous écouter, il me disait, Jean, à qui profite le crime, là? Peut-être que ce gouvernement de gauche n'est pas si corrompu que ça. C'est peut-être ceux qui veulent prendre le pouvoir qui les accusent peut-être vraiment ou peut-être indûment, juste dans le but de faire tomber les valeurs de gauche et ce gouvernement de gauche qui a pris la place d'une succession de gouvernements qui étaient plutôt à droite avant. Donc, sans compter dans ces pays-là aux alentours, ce qu'on appelle les gouvernements de généraux, y a une culture en Amérique latine qui vouloir faire en sorte qu'on fasse tomber un gouvernement de gauche puissant, d'une grande puissance en Amérique latine. Oui, ben c'est sûr que ça s'est vu sur ce continent sud-américain-là. Tout est possible parce qu'on a vu en Amérique latine souvent des interventions des États-Unis, là, par exemple au Chili ou Honduras plus récemment. Les régimes anti-américains semblent être renversés lorsqu'ils tiennent leur politique pendant plusieurs années. On ne refera pas l'histoire, mais disons que l'histoire se répète des fois. Merci beaucoup, Étienne et Dominique, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à tous nos invités de ce jour du Forum social mondial de Montréal. Donc, salut à Tino, Ika, Étienne, Sarah. Merci d'avoir été avec nous. Claude Vaillancourt, merci beaucoup. Vos commentaires sont toujours très à propos. Donc, on vous invite à aller voir le site du Forum social mondial FSM2016.org, le site Attaque Québec. Vous aurez plus de documents. Des communiqués ont été écrits sur nos réactions sur ces grands dossiers. Alors, merci beaucoup. On vous laisse avec Sébastien Lacombe. Merci. Faire un sourire planétaire, faut pas nous prendre pour des cons. Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hey! Allez, la liberté d'expression, la libération de la raison. Faudrait penser à demain, casser la gueule à la fin.